Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre Échange. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est important et qui existe malheureusement encore aujourd'hui. C'est la problématique des mutilations génitales et notamment de l'excision. Alors, ça se pratique principalement en Afrique. Et pour ce faire, sur cette première partie d'émission, nous allons avoir le docteur Pierre Foldès qui va nous en parler, qui a été novateur en la matière, qui travaille sur la reconstitution clitoridienne, on va dire, du clitoris et sexuel de ces mutilations. Mais aussi, nous allons avoir l'interview donc de Madame Frédérique Matz, qui est la directrice de l'Institut de santé génésique. Madame Frédérique Matz, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Institut Women Safe Institut Santé Génésique. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre institut, s'il vous plaît? Alors, cet institut a été créé en 2014. Il a été cofondé volontairement par un homme et une femme, puisque le sujet que nous traitons aujourd'hui avec vous est un sujet sur les violences faites aux femmes et collatérales, puisque les enfants témoins et victimes sont aussi pris en charge dans notre centre. Effectivement, et nous aurons aussi l'interview justement du professeur, du docteur Pierre Foldès qui va nous expliquer ses interventions. Donc votre institut, dans la présentation, il a été créé en quelle année? Si on fait une chronologie, et quelles sont vos activités et populations qui viennent vous voir? Alors avant de créer un lieu comme ça, il faut beaucoup y travailler. Nous avons travaillé ce lieu depuis 2011 et nous avons ouvert le centre de manière opérationnelle en 2014. Nous avons fait le choix de traiter toute forme de violence, quel que soit le lieu où elles sont perpétrées, puisque une femme ou une victime peut être impactée par plusieurs formes de violence. Nous y avons intégré l'excision et donc les mutilations sexuelles féminines pour éviter de stigmatiser cette violence et de ne dire et de ne rapporter cette violence qu'à une cause africaine, par exemple. C'était important de dire qu'une femme victime d'une forme de violence peut cumuler plusieurs formes de violence. Quelles sont justement les populations que vous rencontrez? Ce sont des populations qui, arrivent sur le territoire en situation fragilisée. Moi, je pense par exemple aux immigrés, mais il y a aussi d'autres populations. Quelle est la population qui vous contacte? Alors aujourd'hui, les femmes n'ont pas de caractéristiques sociales en particulier, puisque vous parlez effectivement des femmes qui arrivent sur le territoire. Oui. Nous recevons aujourd'hui toute catégorie sociale, toute femme touchée par la violence. Donc il n'y a pas de caractéristiques précises, puisque ces femmes viennent du département, donc des Yvelines, mais 44% et toutes les autres femmes viennent de partout, de l'Hexagone, mais aussi de l'international. Si on fait un focus sur l'international, ce sont en particulier des femmes victimes de mutilations sexuelles qui viennent demander l'asile en France pour protéger leurs enfants si elles viennent avec leurs enfants, soit demander une réparation chirurgicale et après cette réparation, demander la protection de la France pour qu'elles ne soient pas réexcisées. Au niveau de la prise en charge, comment ça se passe la prise en charge? Donc les personnes habitent dans votre institut, sont accueillies dans votre institut, comment ça se passe-t-il? Alors l'institut n'est pas un hébergement, il est un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation. Il a pour vocation de réunir en un même lieu un certain nombre de professionnels qui vont œuvrer autour de la problématique de la femme. Il y a donc un accueil d'infirmières. Il y a une orientation possible vers un psychologue, un médecin, une infirmière psychologue-médecin, et juriste et avocat. Et nous avons rajouté en fait le psychosensoriel, puisque nous avons un masseur et également un ostéopathe. Et nous avons énormément d'activités qui permettraient à la femme de retrouver en fait une dynamique collective, puisque nous avons des cercles de parole très réguliers qui sont multiviolences ou spécialement orienté vers la prise de parole des femmes qui vont vers une chirurgie réparatrice et qui ont besoin de parler d'autre chose que de la chirurgie, mais de leur sexualité, de leur vie de femme. Et notre objectif étant de remettre toutes les femmes victimes de toute forme de violence à nouveau dans la société, à sa bonne place. Donc, en fait, la personne peut être prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, c'est bien ça ? Oui, absolument, et toute cette prise en charge est gratuite. Ça, c'est important de se dire, puisque le principe de la gratuité n'est pas de dire que nos professionnels ne sont pas des professionnels, mais c'est la gratuité permet à toute femme, même celles qui sont dans une vulnérabilité économique, de pouvoir accéder à des professions qui pourraient être un frein. Je pense notamment aux psychologues, qui sont effectivement des psychologues qui travaillent en libéral et dont les consultations sont payantes. Il y a également les conseils des avocats, qui aujourd'hui sont chez nous bénévoles et qui œuvrent pour que la femme, dans le cas d'une situation qui se judiciarise, peut permettre, cet avocat peut permettre de dénouer un peu, ou en fait de réinterpréter peut-être une situation portée par un avocat, le sien, celui que la femme a choisi, mais d'avoir un regard à nouveau objectif sur sa situation et peut-être améliorer les conditions dans lesquelles elle entre par rapport à sa volonté de judiciariser sa situation. Combien de temps en moyenne dure, cette reconstitution, enfin cette prise de confiance de ces personnes ? Vous allez me dire, ça dépend d'un cas à l'autre, mais si on devait donner à peu près une moyenne. Alors, moi, je préférerais prendre en compte la notion de pérennité dans la prise en charge. Oui. En fait, cette femme que nous incluons dans notre dispositif va être inclue de manière pérenne. Ça veut dire que nous ne la lâcherons pas jusqu'à la résolution de sa situation. Ça peut durer très longtemps. D'abord, un cycle, la violence peut se caractériser par des cycles. Donc, la femme peut venir bénéficier de notre support, disparaître parce que sa situation, soit elle semble s'améliorer parce que le cycle de la violence s'est apaisé, et elle reviendra 3, 4, 5 mois après, voire un an après, parce que la situation de violence a redémarré. Et c'est là que nous la reprenons en charge avec une histoire que nous connaissons, et nous serons beaucoup plus efficaces puisque nous constituons en fait un principe de partage d'informations. Donc nous sommes dans une organisation qui se réunit autour de la situation et qui permet à chaque professionnel que je vous ai cité à l'instant de pouvoir intervenir et interpréter l'action à mener autour d'elle. Alors justement, maintenant je vais m'adresser au docteur Pierre Foldès. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous travaillez, vous, justement, sur la chirurgie reconstructive et notamment suite à des excisions. D'où vous est venue, justement, cette motivation, si je peux dire, pour prendre en charge cette chirurgie de reconstitution génitale ? C'était dans le cadre... Donc, je suis chirurgien urologue et je fais depuis assez longtemps des missions humanitaires, notamment dans des situations de conflit. Et j'étais impliqué pour l'Organisation mondiale de la santé dans des missions concernant les réparations de fistules vésico-vaginales, qui sont des complications obstétricales très graves en Afrique, mais qui sont liées à ces mutilations. C'est là que j'ai découvert ce monde des mutilations sexuelles féminines et pensé à imaginer une technique de reconstruction, puisque ces femmes se plaignaient surtout de douleurs et d'inconfort. Et donc, chemin faisant, nous avons d'abord pu réétudier ce qu'était la réalité du clitoris et découvrir cette technique qui maintenant est au point remboursée par l'assurance maladie et nous permet de répondre aux attentes de ces femmes. Donc, vous êtes novateur en la matière, vous avez fait une première mondiale, si je puis dire, en la matière. C'est moi qui ai découvert cette technique et effectivement pu la mettre au point, la promouvoir et la perfectionner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est toujours vivante, cette technique, et que c'est pas en fait une seule technique, mais une famille de techniques, puisque les mutilations sont très très variables d'un pays à l'autre. Et le fait qu'on soit maintenant relativement connu depuis plusieurs dizaines d'années, on reçoit des femmes, comme vous l'a dit Frédéric, du monde entier, et on s'adapte à toutes les situations. Donc, il est effectivement, vous pouvez paraître surprenant que ce ne soit pas un gynécologue qui ait découvert ça, mais effectivement, dans les grandes traumatismes pelvipérineaux comme on voit en chirurgie de guerre. C'est des urologues et des gynécologues plutôt chirurgiens qui s'occupent de ça. Donc c'était pas illogique que l'urologiste s'intéresse à ça. Donc maintenant, c'est une technique qui est reconnue, publiée et enseignée. Donc on maîtrise ça beaucoup mieux depuis à peu près 25 ans. Et donc ici à l'Institut, on a, dans le centre, on a vu plus de 15 000 femmes en consultation et on en a repéré 6 000 qui ont fait le premier centre mondial de réparation à loi devant les autres. Alors, si on peut rentrer, docteur, si vous le permettez, un petit peu dans les choses un peu plus techniques pour faire percevoir les personnes qui nous écouteraient justement sur les ondes et qui hésiteraient éventuellement ou qui voudraient faire appel à vos besoins. D'ailleurs, je rappelle votre site internet www.women-safe.org. Comment se passe cette reconstitution génitale? Alors, donc je vais vous redire la question. On va le remettre dans le contexte, puisqu'il y a certes la partie chirurgicale dont je vais vous parler. Oui. Et la partie, donc, elles sont d'abord considérées comme des femmes victimes de violences et prises en charge par l'Institut Women Safe dans leur globalité, comme toute forme de violence. Il y a, au cours de cette prise en charge, une première rencontre avec le chirurgien, c'est-à-dire moi-même en l'occurrence, et donc on va essayer d'évaluer les choses. Ces premières consultations sont en général assez intenses sur le plan émotionnel, puisque ces femmes sont très très en demande de savoir ce qu'elles ont. On va donc, dans un premier temps, leur dire la réalité des choses, quelles sont les conséquences, parce qu'il y a beaucoup de conséquences de leur mutilation, et ce qu'on peut faire. Mais en aucun cas, on va encourager ou les pousser à faire une chirurgie réparatrice. Si ça s'avère nécessaire de leur point de vue, eh bien, on va donc s'engager dans une démarche chirurgicale et qui sera entourée et encadrée de la prise en charge multidisciplinaire de l'Institut avant et surtout après. Donc, la chirurgie, elle est assez simple dans son principe, puisqu'elle consiste à enlever les parties cicatricielles blessées de la vulve féminine et de reconstituer un clitoris fonctionnel, hein, c'est pas de la chirurgie esthétique, on est là pour remettre en place des organes qui fonctionnent. Au passage, il va falloir réparer en général beaucoup d'autres choses qui ont été blessées en même temps, le périnée, les petites lèvres, et cette chirurgie donc va être accompagnée après par tout un suivi à la fois chirurgical et pluridisciplinaire. Donc le principe de la chirurgie est assez simple, c'est une intervention qui dure environ 45 minutes. On peut le faire la plupart du temps en ambulatoire, c'est-à-dire elle peut partir le soir même, et le suivi va durer plusieurs semaines, avec plusieurs phases, puisque le but n'est pas que de retrouver un organe, mais de reconstituer une sexualité complète. Est-ce que vous avez eu des cas où, justement, c'était inopérable, où, je veux dire, il n'y avait pas possibilité de que la chirurgie reconstructive puisse apporter des solutions? Mais maintenant, avec l'expérience, on peut répondre à toutes les formes de mutilation, donc c'est plus ou moins difficile. Quelquefois, lorsqu'il y a d'autres blessures surajoutées, il y a d'autres chirurgies qui vont se rajouter, mais la chirurgie réparatrice peut répondre à toutes les formes de mutilation qui existent. Quels sont les risques qu'encourt une personne qui a subi une excision, et on verra après quels sont ensuite, derrière un petit peu, les risques éventuels post-opératoires. Mais en premier, quels sont les risques pour faire sensibiliser les âmes et les personnes sur qu'entraîne une excision? Alors, ça c'est un chapitre très important parce que c'était mal connu, et le fait effectivement de faire entrer la médecine dans ce débat sur une tradition a été très important, puisque ça nous a permis de découvrir toute l'ampleur de l'impact sur la femme. Il y a d'abord des risques directs sur son sexe, évidemment, la suppression de la sexualité, des conséquences obstétricales, hein, c'est-à-dire qu'elle va accoucher dans des conditions plus difficiles relativement souvent, avec d'autres complications qui vont s'enchaîner. Il y a des conséquences urologiques qui sont moins connues, mais qui sont très fréquentes en fait, puisque l'urètre est au milieu, juste en dessous de l'endroit de la mutilation. Il y a d'autres conséquences médicales directes, mais au-delà, il y a tout l'impact émotionnel et traumatique, les conséquences psychologiques. Il y a aussi des conséquences possibles infectieuses, avec des transmissions de VIH, de maladies infectieuses. Il y a des infections locales. Donc, il va falloir en fait prendre en charge cette femme sur toutes ses composantes. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que on le pensait initialement. Il ne suffit pas de réparer chirurgicalement. Il faut prendre en charge la totalité de ses conséquences qui peuvent être très importantes. Alors, pour agir en amont, si je veux dire, pour lutter contre ce phénomène, l'excision, c'est quand même, à mon goût, assez difficile parce que il y a derrière des dogmes religieux, il y a certaines coutumes. Qu'en pensez-vous ? Alors, il n'y a d'abord pas la religion, puisque la religion est souvent mise en avant, mais n'a jamais. Les trois religions du livre n'ont jamais prescrit des mutilations sexuelles, mais se trouve que dans certaines régions islamiques, c'est effectivement plus facilement perpétré. Donc il faut en fait, c'est pas tellement lutter contre la tradition, ce qui est nouveau et ce que nous permet cette prise en charge, c'est de connaître la réalité de l'impact de ces mutilations et de le dire. Donc il s'agit en fait d'un travail de formation, d'information, de tous les acteurs des sociétés civiles en question pour montrer combien ces pratiques sont néfastes pour la femme, néfastes pour la société, néfastes pour la procréation, néfastes pour le développement même de ces pays. Et maintenant, on a beaucoup d'arguments depuis des années pour le dire, alors qu'avant, on restait beaucoup plus dans la symbolique et ça marchait moins bien. Donc on a maintenant matière à faire un plaidoyer beaucoup plus construit, et on s'y emploie bien sûr, parce que il faut que ces pratiques s'arrêtent définitivement. Suite justement à la chirurgie reconstructive, est-ce que ces personnes peuvent retrouver du plaisir, vais-je dire, et au bout de combien de temps ? Alors normalement, cette chirurgie est faite pour ça. Dans notre série, une série de 3000 cas a été publiée dans un journal qui s'appelle Le Lancet. On a depuis encore progressé. On est à peu près à 90% de restitution de sensations, si vous voulez. Mais là, c'est un travail donc qui est vraiment pluridisciplinaire et qui n'est pas du court terme, puisqu'on reconstruit la sexualité. Donc ça nécessite non seulement la chirurgie, en gros, elle marche à peu près toujours parce qu'elle est capable de remettre en place un clitoris en bon état avec ses nerfs intacts en place, mais ça ne suffit pas. Pour reconstituer des sensations et une sexualité, il faut que la femme en soit d'abord persuadée et qu'elle mette du sien, c'est-à-dire qu'elle accepte de reconstruire sa sexualité elle-même avec l'aide donc de professionnels qui sont maintenant dédiés à ça, et ça s'inscrit dans le moyen terme et le long terme. Et notamment avec des psychologues, comme nous avons bien compris, et d'où l'importance de votre équipe pluridisciplinaire que vous mettiez en avant. Est-il nécessaire d'avoir recours à éventuellement plusieurs interventions chirurgicales, ou il n'y a qu'une intervention ? Alors en principe, il y a une seule intervention. On ne réopère jamais. Le chiffre, vous aviez évoqué le chiffre de morbidité, de complications est vraiment très très faible, et les cas de réintervention nécessaires sont moins de 1%. Par contre, il faut signaler que un certain nombre de chirurgiens ont entrepris de faire cette chirurgie sans avoir été réellement formés, et on a aussi à faire face, puisque nous sommes un centre référent, à des chirurgies pas très bien faites, qui nécessitent là de les reprendre. Donc c'est une partie de l'expertise qu'on développe ici. Au niveau de la rééducation, si je puis dire, derrière, existe-t-il des exercices de rééducation ? Vous parliez de kiné, vous parliez... comment cela se passe-t-il post-opératoire ? En post-opératoire, donc il y a un post-opératoire immédiat où on va gérer la cicatrisation, les douleurs, rassurer la femme, la suivre de près. Et puis après, donc l'organe étant remis en place, il doit réapprendre à fonctionner, ce qui est vrai pour n'importe quelle chirurgie de reposition, que ce soit pour un pouce, un nez, un orteil, c'est toujours pareil. Donc il y a une réappropriation de cet organe qui se fait donc sur plusieurs semaines à plusieurs mois. Alors là, c'est très variable, parce qu'il y a des femmes qui immédiatement, même déjà dès le post-opératoire, se remettent à sentir des choses qu'elles n'avaient jamais vécues. Donc ça peut aller très très vite, mais dans un certain nombre de cas, comme il y a le post-traumatique et les effets psychologiques à prendre en compte, ça peut durer plus longtemps et c'est assez variable. Donc, condition de réussite, c'est la pérennité, c'est-à-dire qu'il faut être suffisamment longtemps, et puis la qualité du suivi avec des professionnels qui comprennent bien ce qu'ils font et surtout qui sont, c'est tout le travail des équipes de Frédéric, qui sont bien reliées entre eux et qui parlent ensemble. Hein. C'est ça qui change tout, hein, parce qu'un psychologue dans son coin pourra faire des belles choses, mais s'il est intégré dans une équipe qui est habitué à faire ça depuis longtemps et qui permet de gérer toutes les facettes du problème, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'il existe aussi, on sait qu'il existe des mutilations génétiques chez l'homme, bon, beaucoup plus rares, vous allez me dire, mais est-ce que vous avez pu travailler sur la reconstitution, justement, au niveau des hommes Alors moi, personnellement, je m'en suis pas occupé, j'en ai rencontré dans les situations de chirurgie de conflit, quelques-unes, si vous voulez. Là, il y a deux contextes très différents. D'abord, le pénis est très connu, il y a plein de techniques, donc c'est des techniques connues depuis très longtemps. Le contexte est beaucoup plus celui d'une chirurgie de conflit, donc c'est pas du tout la même chose. Et puis, il faut dire que, quand même, l'homme n'aura pas de sexualité obligatoire et avoir à reproduire donc ça, le clan, hein, donc il n'aura pas jamais à accoucher l'homme, donc ça se présente de façon tout à fait différente. Ici, nous avons voulu, à l'Institut Women's Safe, privilégier l'accueil de la femme, donc c'est vraiment fait, même si dans la prise en charge de ces femmes, Frédéric et ses équipes tiennent à impliquer le plus souvent possible les hommes, les conjoints, et quand ça se passe comme ça se passe beaucoup mieux. Et il ne faut pas tomber dans un piège aussi, qui est la comparaison avec la circoncision, qui est un autre débat, qui est certes, effectivement, à débattre, mais enlever un prépuce masculin, ça ne peut pas être mis en parallèle avec la blessure d'un sexe féminin qui aura à avoir des rapports forcés et à accoucher, donc on ne peut absolument pas mettre les choses en parallèle, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Chose importante aussi, docteur, la prise en charge. Donc vous disiez que le système de la santé prend en charge ce genre de chirurgie, c'est bien cela? Nous avons donc obtenu dans les années 80 la prise en charge complète par l'assurance maladie de ces chirurgies réparatrices. Et comme vous l'a dit Frédéric, ici, c'est un centre qui est totalement gratuit, même si nous avons, nous, à rémunérer un certain nombre de professionnels. Nous assurons une prise en charge holistique et complète, mais totalement gratuite, avec quelque chose aussi qui est une des caractéristiques du centre, c'est que même si on a une implication hospitalière, d'abord on n'appartient pas à l'hôpital, on loue un espace à l'hôpital, une des choses qui fait que ça répond très très bien, c'est que nous avons mis en lien le monde libéral, qui est souvent en première ligne dans la détection de tout ça, et le monde hospitalier. Il ne faut pas oublier tous les libéraux, tous les étages soignants de la société civile qui n'appartiennent pas au monde strictement hospitalier. Et il faut vraiment que tous ces acteurs soient en lien si on veut répondre correctement à l'ampleur de la demande. Ma dernière question, docteur Foldès. S'il y a une recommandation à faire auprès des personnes qui nous écoutent là sur les ondes, nos auditrices et auditeurs, ce serait quelle recommandation ? Oui, elle est très simple. C'est que, quel que soit le type de violence, que ce soit une mutilation sexuelle féminine ou une violence faite aux femmes, elle est toujours doublée d'une situation d'isolement et de silence. Et ces femmes ne sont avant tout pas prises en charge parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'elles n'arrivent pas à parler. Donc il faut d'abord arriver à les écouter et libérer leur parole. Donc la libération de la parole, c'est le cœur de ce qu'on fait et la première chose qu'on fait dans l'Institut, quel que soit le type de violence. Mais ça peut être amorcé dans la société civile. Donc il y a un problème d'écoute. En général de la femme, en fait les femmes il faut les écouter, et si on commence à les écouter on va commencer à résoudre leurs problèmes. J'aurais une question à poser à Madame Frédérique Martz. Madame Martz, pour accéder à votre institut, quelles sont les démarches à faire? Vous êtes basée donc sur Paris. Hein. Est-ce que il y a des antennes en province ou il faut venir à votre établissement? Et quelles sont les démarches? Elles sont simplifiées? Alors, effectivement, nous sommes basés à Saint-Germain-en-Laye, donc en région parisienne. Ça n'a jamais été un frein pour les femmes, puisqu'aujourd'hui, les femmes qui sont victimes de violences cherchent à se délocaliser pour pouvoir libérer leur parole. Mais effectivement, nous préférerions avoir des centres de proximité pour que ces femmes viennent de manière extrêmement régulière. Et là, nous travaillons évidemment à la duplication du centre, puisque les femmes sont en vraie demande. Le premier appel, après une médiatisation, parce que quand on passe sur à la télé, il y a une réaction immédiate de femmes qui nous sollicitent. On veut systématiquement les voir, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de consultation par téléphone, ça c'est très important. L'interface humaine, pour nous, elle est un objectif absolument fondamental, même si après nous devons suivre cette femme à distance, parce qu'elle retourne dans son bassin de vie, mais nous sommes en lien avec les services sociaux, avec son avocat, si elle a déjà un avocat, et nous arrivons à extrêmement bien travailler avec elle à distance, ce qui n'est pas une fin en soi, puisque notre objectif est quand même la duplication. Alors, je rappelle un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre, qui est un standard, c'est le 01 39 10 85 35. Je répète, le 01 39 10 85 35. Et le site internet où on retrouve beaucoup d'informations très intéressantes, et notamment vos partenaires, parce que vous êtes soutenus par des organismes publics et privés, il faut le dire, c'est www.women, W-O-M-E-N, trait d'union, tiré du 6, safe, safe.org. Donc je répète, www.women-safe.org. S'il y a une recommandation, Madame Martz, à faire pour vous, ce serait laquelle? Alors je pense que Pierre Follès l'a abordé, c'est effectivement permettre aux femmes de libérer leur parole, mais libérer la parole, et je pense notamment au hashtag, n'est pas de penser que quand on pose des mots une fois, la situation est réglée, puisque la plupart des femmes sont dans des situations post-traumatiques, et qu'à partir du moment où la libération de la parole se fait, il faut absolument s'engager dans un processus et un parcours qui va être soutenu par notre équipe, et surtout pas à nouveau se sentir dans une situation isolée, ne pas non plus être confronté à des gens qui ne sont pas des professionnels et qui peuvent être ou avoir des conseils non avisés, parce que ça pourrait être une catastrophe. Donc il faut vraiment chercher les ressources qui sont adaptées et qui sont professionnalisées et qui connaissent bien le thème, la violence, parce que elle est, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle a des cycles, et ces cycles peuvent effectivement soit démobiliser la femme, soit l'entraîner vers des choix qu'elle aura fait qui sont absolument pas préparés. Un dépôt de plainte, ça se prépare. Le choix de partir du lieu dans lequel la violence est exercée, ça se prépare aussi. Donc tout ça, c'est mesurer que l'enjeu, c'est que tout soit préparé, tout soit organisé pour une finalité que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'elle puisse enfin s'en sortir. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est attirer l'attention en particulier sur les enfants. Les enfants aujourd'hui, 70% des femmes que nous recevons étaient des femmes victimes dans leur enfance de violences. C'est très important de faire ce focus. L'enfant peut être témoin ou victime. S'il était simplement témoin, ne pas penser que l'enfant va s'en sortir tout seul. C'est un enfant qui est impacté, qui va s'en sortir si là aussi ça a son espace d'écoute. Mais malheureusement, les saturations des dispositifs dédiés aux enfants les écartent un peu d'un parcours qui leur permettrait de pouvoir être pris en considération lorsqu'ils sont témoins de violence ou voire dans la violence. Les violences sexuelles étant évidemment un des sujets que nous portons avec extrêmement beaucoup de professionnalisme, la violence sexuelle étant le sujet évoqué par l'enfant le plus difficile à développer par des professionnels qui ne sont pas habilités à le faire. Voilà un petit peu en ce qui concerne, je veux dire, cette partie de l'Institut, cette partie médicale. Et comme on peut voir, c'est quelque chose qui est quand même terrible. Alors, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre émission. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions une courte pause musicale et on se retrouve juste après ceci. Sous souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évante d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens. Je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en donne, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en donne, chaque fois que je tombe croque love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvants d'amour fou et de minerve. Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. J'ai le cœur en dame, je crois en tout ce qui cogne, comme, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne, sauf si j'ai pas la cote, comme ça je me mens, j'ai le cœur en dame. Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange. Nous continuons justement sur cette problématique et la mutilation génitale chez les femmes. Et pour ce faire, nous allons avoir l'interview d'une personne qui va nous expliquer un petit peu son parcours assez particulier, dont elle a fait un ouvrage qui s'appelle « On m'a volé mon enfance », qui est Madame Diaratouba. Et elle va nous expliquer un peu cela. Et le livre, on peut le trouver aux éditions Anne Carrière. Madame Diaratouba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « On m'a volé mon enfance », que l'on retrouve au niveau des éditeurs, des éditions Anne Carrière. Alors, vous avez un parcours un petit peu atypique. Vous êtes originaire de quel pays ? De Guinée-Conakry. Et donc, vous êtes venu en France. Quelle a été la motivation de venir ici en France ? Est-ce que vous pouvez nous reparler de votre parcours ? Alors, en fait, mon parcours, il démarre évidemment en Guinée-Conakry. Je suis aînée d'une grande famille. Mon père a 4 femmes, 32 enfants. À l'âge de 8 ans, enfin, à l'âge de 10 ans, on m'a amenée chez ma grand-mère qui m'a élevée dans un village qui était très éloigné de la Guinée. Dans ce village, j'ai grandi comme toutes les petites filles, à l'innocence, etc. Jusqu'à l'âge de 8 ans, on m'a excisée comme toutes les petites filles de mon village. Faut savoir, en fait, l'excision, ça fait partie de nos coutumes, nos traditions. Les petites filles qui n'ont pas subi, elles sont pas comme les autres, elles se sentent pas comme les autres. Donc, à l'âge de 8 ans, on m'a dit d'accompagner une dame, et tout, qui était venue dire bonjour à ma grand-mère. À ma grande surprise, je me suis retrouvée avec 3 femmes, enfin, avec 4 femmes, dont 2 me tenaient les pieds, d'autres me tenaient les mains. Donc, j'étais excisée comme ça dans des conditions très difficiles. Et comme je dis souvent, en fait, le cri que je poussais ce jour-là, c'est un cri que je ne pourrais jamais oublier. La douleur que je vécue ce jour-là, c'est une douleur qui me marquera à vie, parce que après l'excision, on prépare les petits à une autre étape, c'est-à-dire d'être mariée. C'est quelle étape ? Vous pouvez en parler de cette étape ? Pardon ? Oui, de cette étape, vous pouvez, on prépare une autre étape, c'est-à-dire ? L'autre étape, c'est-à-dire que les petites filles chez nous, elles sont préparées à être mariées tôt. Le modèle de la société, c'est la fille qui est mariée, qui a des enfants, qui reste à la maison, qui ne fait pas des études. C'est de suivre les traditions et les coutumes que les femmes, elles répètent de génération en génération. Donc ça veut dire que c'est ça. Et moi, à l'âge de 10 ans, quand ma grand-mère, elle est décédée dans des conditions difficiles, puisque c'est des guêpes qui l'ont piquée dans la nature, c'est comme ça qu'elle est décédée. Par la suite, j'ai rejoint ma grande famille qui est à Conakry, avec, dans cette grande cour, avec autant d'enfants, autant de femmes, ce que je raconte souvent dans mon livre. Donc, du coup, quand je suis revenue à Conakry, j'explique aussi les conditions d'éducation des petites filles qui ne sont pas forcément évidentes. À l'âge de 10 ans à 14 ans, bah, on m'a mis à l'école, et à l'école, pour apprendre à écrire, nous on est frappés. On marchait des kilomètres pour aller à l'école. On n'a pas la chance, comme en France, d'avoir une éducation pointue. Tout est fait difficilement, surtout pour les petites filles. Donc à l'âge de 13 ans et demi, un homme est venu voir mes parents en disant qu'il travaillait à l'Union Européenne, qu'il avait tout ce qu'il fallait. Au début, il commençait à me taquiner parce qu'il m'avait vu passer, il était sur des escaliers et tout. Il m'a dit « Ah, je vais te marier, mais bon, je vais te marier ». C'est des mots sur lesquels on joue des fois avec les petites filles sans que ce soit une réalité. Donc moi, au début, je pensais qu'il rigolait, j'ai rigolé avec lui, mais sans plus, parce que je ne savais pas si ça allait devenir réalité. À l'âge de... Donc, il est parti en Hollande, il continuait d'appeler mes parents. Il a convaincu ma mère par rapport à ce mariage, qui était très convaincue, puisque ma mère, elle est la quatrième épouse. Elle a été mariée à 12 ans par mon père. Et là, il y avait des enfants à la maison qui avaient le même âge que ma mère, donc elle a beaucoup souffert. Elle s'est dit, si quelqu'un qui est en Europe, qui marie sa fille, bah, pour elle, c'est qu'une opportunité, quoi. Donc, comme beaucoup de femmes, chez nous, beaucoup de familles chez nous, ils font naturellement. Donc, à l'âge de 13 ans et demi, on m'a dit, voilà, je vous donne un mariage, mais je marie votre fille, j'amène son frère. J'avais un demi-frère, donc il fallait que j'accepte le mariage, ensuite je viens en Europe avec un visa touriste. Tous mes papiers étaient falsifiés, j'avais 14 ans, et dans mes papiers, j'avais 25 ans. Du coup, voilà, j'explique tous ces contextes de l'innocence, hein, de fait qu'on ne nous a pas préparés à être une femme, à s'occuper d'une maison, d'être comme une femme mariée, quoi. Tout ça, c'est tabou, parce que nous, les sujets sont très tabous dans la famille. On aborde peu de choses, surtout concernant tout ce qui est intimité, etc. C'est des sujets qu'on n'en parle pas forcément. En fait, j'explique le contexte de venir en Europe, de croire que l'Europe, c'était... Mais avant, Madame Bas, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que ces conditions-là, votre parcours, justement, en Guinée, est-ce que c'est un cas exceptionnel ou est-ce que c'est quelque chose qui se pratique régulièrement? La façon dont on falsifie les papiers pour donner une majorité, je veux dire, et tout cet environnement. Est-ce que, vous, c'est un environnement exceptionnel ou c'est quelque chose qui se fait régulièrement? C'est des choses qui se font régulièrement parce qu'on est beaucoup dans les idéologies, on est beaucoup dans les traditions et les coutumes, et aussi on mélange parfois avec la religion, on est dans l'honneur, qu'est-ce qui est l'honneur, qu'est-ce qui dira les autres, on fait plaisir aux autres sans savoir pourquoi et comment, parce qu'on suit une cercle familiale qui est là depuis longtemps, depuis des générations, et on répète ces traditions-là. De ce que j'ai vécu, c'est ce que milliers de femmes vivent en Guinée. Après, il y a des familles, il y a des exceptions dans lesquelles ils sont éduqués, ils arrivent à protéger leurs petites-filles de ce que je dénonce et ce que je raconte par rapport à mon parcours. Mais malheureusement, ça fait partie de beaucoup de quotidiens des Guinéennes. Et donc après, voilà, comme je vous disais, donc toute mon identité, il a été effacé, en plus de mes parents, c'est mes parents qui devaient me protéger. Mais comment ils peuvent me protéger eux-mêmes? Ils ont vécu ce que j'ai en train de vivre. Depuis des générations, leur mère et leurs grands-parents ont vécu la même chose. Donc c'est pour ça, en fait, je pense que le FARCA, il est complexe, parce que c'est pas qu'une personne, c'est tout un cercle familial qui est là-dedans. Du coup, comment sortir là-dedans? Et ben, c'est difficile. Et quand on a 13 ans et demi, on pense la vie, qui est la beauté. On n'imagine pas trop, on n'idéalise pas c'est quoi l'amour, on n'idéalise pas c'est quoi une foyer ou d'être avec un homme, etc., etc. Surtout, ça n'aide pas non plus quand on vous donne un mariage, un homme qui a 45 ans et que vous avez que 13 ans et quelques, ou 14 ans. Eh oui. Alors, est-ce que ça a participé justement à ça, pour partir, venir ici en Europe et en France? Oui, ça a participé parce que moi, je suis venue donc avec cette visa touriste. Je rejoins cet homme. Ce qui aussi, il faut dire, nous, la pression que les filles, elles ont tout le temps, c'est la virginité. Donc, quand tu es mariée, la première chose que tout le monde attend, c'est que la petite fille, faut qu'elle prouve à toute la famille qu'elle s'était mise bien, que sa mère lui a élevé, qu'elle était vierge au mariage, etc. Donc, dans ce contexte-là, pour moi, ça s'est très, très mal passé. On n'a rien préparé. On ne m'a pas préparé de c'est quoi la première relation avec un homme. Donc, ça a été un viol, etc. Et en plus au début il me dit t'es vierge, quelques minutes plus tard il me donne un colis et quelques minutes plus tard il me dit tu n'es pas vierge, mais à partir d'aujourd'hui tu fais ce que je te dis, sinon je te renvoie dans ton pays. Me renvoyer dans mon pays, ça veut dire c'est dégénérer ma famille, c'est humilier, c'est aussi me retrouver à moi-même. Donc à partir de là c'était la soumission que je commence à être dès le début soumise à lui. Mais votre mari, c'était un mari africain ou européen? Oui, africain. C'est d'accord. Un Guinéen. Guinéen, qui avait 45 oui. ans. D'accord. Qui avait trois femmes en Guinée, qui avait des papiers en Hollande, mais qui n'avait pas encore la nationalité, qui avait une autre femme en Hollande, etc. Donc, je perdais trois grossesses dans cette situation. Je perdais une grossesse à 3 mois. Je ne savais même pas, j'étais enceinte, j'allais avoir 4 mois. Je perdais un autre à 9 mois à la naissance. Donc, parce que je ne savais pas comment il fallait faire accoucher, il passait par mon cousin. Il fallait tout le temps mentir à l'administration hollandaise. J'étais clandestine et livrée à moi-même. Je me suis retrouvée prendre beaucoup de poids en peu de temps puisque tous mes papiers étaient falsifiés. L'opération que j'ai subie n'allait pas avec la date de naissance que j'avais. Enfin voilà, ça a été un parcours très difficile. Mais si j'en parlais, si j'en parle, c'est pour livrer les autres femmes. C'est pour qu'elles ne subissent pas la même chose que ce que je vécis, et surtout dans ma famille pour que ça puisse bouger, les lignes, ça bougeait déjà. Et par la suite, on est venu en France, et ici en France, il a trouvé un studio de 15 mètres carrés, il n'y avait pas de l'eau chaude, il n'y avait pas de chauffage, c'était un appartement complètement insalubre qui n'était pas loin de la mairie de Lila, qu'il a salué par un ami. Donc là, je suis partie de troisième grossesse, c'est le déclic en fait. Mais en même temps, le déclic, quand on l'a, comment il faut partir, parce qu'on pense que demain, ça ira mieux. Comme on dit souvent, je t'aime, je t'abîme, c'est-à-dire on te frappe, on te dit je vais changer, alors que ça ne change pas. On est enfermé dans ce climat de violence et familiale qui est complexe, parce que dans ma famille, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc pour appeler en Guinée, il fallait acheter une carte téléphonique. Quand j'appelais, j'étais tout le temps là, je ne pouvais pas parler. Donc vous voyez, c'est vivre dans ce climat de violence, mais sans pouvoir se libérer, sans pouvoir en parler. C'est ça qui était complexe et difficile pour moi. Un soir, je me suis retrouvée devant ma télé. Il était parti en Afrique. 5 jours après que j'ai accouché, il m'a laissé 100 euros pour tenir pendant 2 mois. J'achetais que du pain et du lait. Je ne sortais pas, je ne me lavais pas. Je me laissais complètement aller. Et devant cette émission, j'ai vu des femmes qui parlaient de leur parcours, dont une Marocaine, qui, d'origine marocaine, une femme qui avait plus de 30 d'années, qui a été mariée à l'âge de 14 ans, qui expliquait comment elle a pu s'en sortir. Elle a parlé des associations et des assistants sociales. Comme à l'époque, je ne parlais pas le français, je ne savais lire ni écrire, la seule chose que j'ai écrit sur un bout de papier, c'est un S comme assistant social. Donc, je suis partie voir la mairie de Lila. Je suis partie tout le temps devant la mairie. C'est grâce à une voisine qui m'avait orientée là-bas, qui m'aidait quand mon mari me battait. C'est elle qui venait me soutenir, tout ça. Donc, ils m'ont dit, ah, voilà, là à la mairie. Donc quand je suis partie à la mairie, demander ce qu'est AS, on a mis une journée là, trouver des associations, des choses comme ça, et quand même à l'assistance sociale, j'ai dit oui, c'est ce que j'ai cherché. Donc à partir de là, c'était un parcours de combattant, et qui n'était pas facile, parce qu'à chaque fois, il fallait répéter son histoire, revenir sur ce qui s'est passé, raconter, ça c'est pas facile quand on n'a pas pris de recul. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul. Quand on n'a pas travaillé sur ce qui nous est arrivé, c'est encore plus dur, etc. Mais ça valait la peine, parce que ça valait la peine d'être libre, ça valait la peine de vivre autrement, de vivre en tant qu'être humain, non pas quelqu'un qui est limite à se vendre, se retrouver à être esclave à l'âge de 14-15 ans. Quoi. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez pu reconstruire un peu votre vie? Oui, aujourd'hui, ma vie, elle a été construite avec beaucoup de difficultés, bien évidemment. Donc aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Espoir et Combat des Femmes. J'essaie d'aider les femmes, les jeunes filles qui vivent la même chose que moi. Je mise dans des associations comme l'Excision Parlons-en. Je suis ambassadrice et porte-parole de cette association. Je travaillais dans une association comme l'Hippie Insoumise, donc j'étais une vraie militante convaincue. Et aussi pour m'éloigner un peu du militantisme, parce que parfois, faut être dans le militantisme, pas complètement, je travaille dans le social. Donc voilà, tout va bien, mais le message que j'ai à passer aux femmes qui subissent la même chose, il faut qu'ils aient le courage d'en parler, il faut qu'ils aient le courage de partir à temps, avant que ça soit trop tard. Il y a une jeune femme qui a été marquée, qui a été tuée, à Montreuil, ça fait juste un mois et quelques, elle s'appelle Mariam, d'origine guinéenne. Il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas qu'on attende qu'on soit dans la même place que Mariam, parce que cette histoire m'a tellement bouleversée que j'ai envie de dire à toutes les femmes de ne pas se laisser faire, quoi, de pas rester les bras croisés. C'est vrai que le courage et les forces, c'est difficile à avoir, mais quand on pousse les portes, chacun de nous peut avoir une force qu'on pense qu'on n'est pas capable d'avoir. Alors, je voulais vous poser une question concernant la chirurgie reconstructive. Est-ce que vous avez pratiqué cette chirurgie ? Non, en fait, je ne l'ai pas fait. Pour simple raison, c'est que malgré tout ce qui m'est arrivé, quand on n'a pas le soutien de la famille, quand on est seul, eh ben, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. La réparation, il faut être prête. Moi, j'avais fait les démarches, mais aussi, il y a des gens qui réparent ça, qui vous disent qu'il faut voir une sexologue, parce qu'il faut aller à la rencontre de ce qu'on vous a fait. Donc, il faut voir une gynécologue, etc. Pour moi, c'était trop long. Donc, j'ai arrêté les démarches. Mais oui, il y a une possibilité de faire la réparation. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de dire aux femmes qu'elles pouvaient être complètes. Et surtout, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Oui, effectivement. Je rappelle donc votre ouvrage que vous avez édité aux éditions Anne Carrière, c'est « On m'a volé mon enfance ». Aujourd'hui, depuis cette situation où vous avez eu des enfants, comment ça se passe ? Oui, en fait, j'ai une petite fille qui a 10 ans et tout, que je me bats aussi pour la protéger parce que c'est pas parce que moi j'ai sorti de tout ça qu'un jour je peux pas aller en Guinée que mes tantes ou ma grand-mère ou ma mère me volent ma petite fille pour la exciser. Vous voyez, le combat, il est complexe, il est difficile parce que moi j'avance, j'évolue, mais dans ma famille, il n'y a personne qui a évolué, il n'y a personne qui a avancé, ils sont toujours dans les coutumes et dans les traditions. Est-ce que vous avez encore des contacts avec votre famille là-bas en Guinée ? Oui, j'ai gardé des liens avec ma famille parce que pour moi, c'est important de garder son identité, ses racines. Après, le combat, il est aussi à l'intérieur. Je me suis battue pour qu'une de mes petites sœurs ne soit pas mariée. Elle n'est pas encore mariée. Mais malheureusement, elle a été excisée malgré tout ce que j'ai fait pour la protéger. Donc, tout ça aussi est très difficile. Mais au moins, elle est à l'université. Pour le moment, elle n'est pas mariée. Eh bien, écoutez, s'il y avait un conseil à donner, ça serait lequel ? Ben, les conseils que j'ai à donner, c'est de dire qu'il est temps que les lignes bougent dans nos familles. Il est temps que tout ça arrête et que le relativisme culturel, il n'est pas tolérable et qu'il faut avancer, quoi. Il faut que les femmes, elles ont le courage d'en parler, de se confier, de se reconstruire. Tout est possible. Et que quand les gens ils vous disent non, c'est la culture des autres, c'est les blancs qui vous disent ça, vous êtes devenus des blancs, il faut dire non. On peut avoir les deux cultures en même temps et être nous-mêmes et garder nos racines. Mais il y a des choses qu'il faut faire évoluer, comme l'excision, comme marier une petite fille. Parce que quelqu'un qui a été violé ou frappé ou maltraité, eh ben, c'est une vie qu'on coupe à la personne. Et il faut partir quand que ça soit trop tard, comme Mariam qui est morte. Et aujourd'hui, personne ne peut rien faire puisqu'il n'est plus de ce monde. Cette interview de Mme Diarra Touba nous a permis de voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont un petit peu les motivations pour en arriver à de tels actes, et ben aussi en côté victime, ce qu'elle peut subir. Alors, nous allons continuer nos interviews, et nous allons avoir celle de Madame Isabelle Gillette-Fay, qui est la directrice générale de l'association GAMS. C'est une association qui est là pour lutter contre, qui est là pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Elle est également psychologue, et va nous expliquer un petit peu ce qu'ils font. Madame Isabelle Gillette-Fay, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes la directrice générale de l'association GAMF, qui est le groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Vous avez une formation sociologue aussi, c'est bien ça ? Tout à fait. Et donc, pouvez-vous nous dire, GAMF, cette association, le but, le rôle ? Alors nous sommes une association qui existe depuis 1982. Nous avons comme particularité, dès la fondation de l'association, d'avoir réuni des femmes d'origine africaine, subsaharienne et des femmes d'origine occidentale. L'idée étant de proposer des sensibilisations en direction des adultes, puis des adolescentes des communautés directement concernées par la thématique des mutilations sexuelles féminines. Également de faire de la formation des professionnels qui peuvent être en contact avec ces populations directement concernées, de manière à faire du repérage et un meilleur accompagnement des victimes. Par ailleurs, on édite un certain nombre d'outils autour de la thématique de manière à renforcer les capacités de tout un chacun, citoyenne, citoyen, de pouvoir se saisir de la thématique et de pouvoir être acteur à son tour de la prévention des mutilations sexuelles féminines. Et on continue également de développer des relations assez anciennes, notamment avec le continent africain, pour savoir comment les choses évoluent sur le terrain dans les pays d'origine, parce que ça influe, j'ai envie de dire, la migration ici, enfin les diasporas en France et en Europe en particulier, et vice-versa. Donc il faut absolument qu'on ait toujours ce regard à 380 degrés, à la fois au sud et au nord, pour mieux connaître l'évolution de ces pratiques. Alors, prenons déjà en amont, comment cela se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de cette mutilation par rapport à ces populations sur le terrain ? Vous parliez d'Afrique, principalement c'est en Afrique que cela se passe. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a un recul de ces actes pratiqués ? Oui, alors en fait, les premiers mouvements abolitionnistes, on arrive à les faire remonter au 15e siècle en Éthiopie. Depuis, les choses se sont vraiment accélérées à partir des années, on va dire 1970, il y avait un frémissement, mais vraiment à partir des années 1980, ça s'est vraiment accentué. Donc on observe maintenant, en l'espace d'une quarantaine d'années, un recul de ces pratiques dans un certain nombre de pays, même des pays avec des hautes prévalences, comme l'exemple du Burkina Faso, par exemple, qui a diminué de moitié le risque de mutilation sexuelle féminine pour les plus jeunes filles, 0 à 15 ans. Des pays avec des faibles prévalences, on va prendre l'exemple, par exemple, du Togo, où là, ils sont passés sous la barre des 5%. Donc, on voit très bien qu'il y a des évolutions, il y a des changements de comportement, les populations se saisissent de la thématique pour pouvoir la prendre à bras-le-corps et décider de l'abandonner. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas un nombre suffisant, compte tenu de la forte natalité dans ces pays-là, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on n'a pas encore assez de personnes qui ont abandonné la pratique pour qu'on observe un mouvement descendant. Pour l'instant, on est encore à 3 millions de nouveaux cas par an, donc il faut absolument qu'on arrive à faire baisser ce nombre de façon beaucoup plus drastique. Alors, il y a des actions qui sont menées d'information sur le terrain, dans les villages, comment ça se passe ? Voilà, des associations strictement locales, que ce soit au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, enfin je pourrais pas citer la liste de tous ces pays. Bien sûr. Il y a aujourd'hui 29 pays en Afrique qui ont des représentants qui sont fédérés par le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Donc ça veut dire qu'il y a 29 pays qui ont des programmes nationaux de lutte contre l'excision, qui ont des actions holistiques, c'est-à-dire ça touche aussi bien le groupe des personnes plus âgées, les plus jeunes, ça touche également les religieux, ça touche également le pouvoir politique. Donc en fait, on s'aperçoit que partout, il y a des actions qui sont menées en termes de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Alors, vous recevez au sein de votre association différentes, des personnes, mais est-ce que ces pratiques aujourd'hui existent aussi encore en France ? Ça, c'est très difficile. On pense qu'en région parisienne, étant donné qu'il y a eu en l'espace d'une quarantaine d'années, une quarantaine de procès, notamment au cours d'assises, le fait que les populations savent que la pratique est interdite sur notre territoire a sans doute joué un rôle très important pour qu'il y ait un reflux de la pratique, en tout cas sur notre sol. Maintenant, les familles peuvent emmener les enfants au pays d'origine, voilà, et elles peuvent y subir l'excision. Et puis, il n'y a pas, j'ai envie de dire, un policier derrière chaque famille. Donc, oui, à partir de là, c'est un peu comme les situations de maltraitance aux enfants ou les situations de violence dans le couple. C'est pas obligatoirement le voisinage qui va nous aider à repérer ce type de situation. Oui, parce qu'il faut dire que c'est une pratique qui, en France, est répréhensible. Complètement. maintenant, c'est considéré comme un crime au même titre que le viol, puisque c'est une atteinte à l'intégrité sexuelle et physique des personnes et c'est assimilé à des actes de torture et de barbarie sur le plan législatif. Il est impératif, enfin, je veux dire, la répression est très claire en France. La France ayant été le premier pays à avoir des procès condamnant les mutilations sexuelles féminines. Aujourd'hui, par rapport à votre association, quel est le profil des personnes qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà depuis un moment sur le territoire français, mais aussi parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'affluence de personnes qui viennent d'immigrer des pays d'Afrique pour des raisons politiques et autres, hein. Bon, on n'est pas là pour juger, bien évidemment. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi ces violences aussi, d'immigrés qui viennent en France, qui viennent en parler, qui ont le courage d'en parler et qui essayent justement de trouver des solutions. Oui, complètement, parce que depuis 2001, la France reconnaît le droit d'asile aux personnes qui risquent l'exclusion pour elles-mêmes ou pour leur enfant. Donc à partir de là, nous, on reçoit un certain nombre de demandeurs et de demandeuses d'asile, enfin, désireux et désireuses de protéger leur petite fille et attestant du fait qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, malgré la baisse, nous l'avons vu de la pratique, il y a encore des régions où les taux d'excision sont encore très très élevés. Même si on prend à l'échelle nationale l'exemple de la Guinée, on a encore 96% des femmes qui sont concernées par cette pratique, donc on voit qu'il y a encore malheureusement un risque élevé pour ces petites filles, donc les parents, les femmes seules parfois même prennent la route avec tous les dangers que ça représente et toutes les violences qu'elles peuvent subir tout au long de ce voyage, mais en vue de protéger leurs petites filles. Au niveau de l'association, comment cela fonctionne-t-il? Il faut faire une adhésion, devenir adhérent? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas du tout. Pour le public qu'on reçoit, bien sûr, il n'y a aucune obligation d'adhérer à notre association. Les gens sont libres de... Nous, on touche des subventions publiques de manière à pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et sans avoir besoin de leur demander une participation financière. En revanche, les personnes qui sont intéressées par ce que l'on fait et, j'ai envie de dire, pour en savoir un petit peu plus sur nous, ont la possibilité de faire des dons ou d'adhérer à notre association en se connectant tout simplement à notre site internet www.fédérationgams.org. Et au niveau, donc, justement, de l'association, comment ça se passe en général, du début, je veux dire, de l'accueil des personnes, on peut dire des patients, jusqu'à l'accompagnement? Quelle est un petit peu la chronologie des choses? Alors, c'est très variable. Mais admettons qu'on voit une dame qui vient nous rencontrer parce qu'elle souhaite protéger sa tissue de l'excision, elle a fui son pays. Déjà on va l'accueillir, on va écouter son histoire, son récit, les questionnements qu'elle a par rapport à ça, voir avec elle sur le plan pratico-pratique auprès de quel médecin elle doit se rendre pour faire par exemple un certificat médical attestant de son excision à elle et un certificat médical attestant la non-excision de son enfant. Après on l'oriente sur les services de l'État dédiés, donc maintenant on passe qu'on appelle par une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, qui ensuite va vous orienter sur un autre service qu'on appelle le guichet unique des demandeurs d'asile. Ce guichet unique va par exemple pouvoir, dans le meilleur des cas, leur proposer un hébergement adapté, parce que voilà, se retrouver seul à la rue avec une enfant, on comprend à quel point ça peut être compliqué, surtout si la dame a subi un cumul de violences avant d'arriver sur le territoire national. Donc dans ce centre d'hébergement, elle va être hébergée, elle va être accompagnée et nous on va continuer à l'accompagner de manière à jusqu'au moment où elle va être auditionnée à ce qu'on appelle l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, donc qui va dans le meilleur des cas déterminer que effectivement sa petite fille est réellement à risque de mutilation sexuelle féminine. Donc ils vont mettre l'enfant sous la protection internationale, donc anciennement appelée asile politique, et la maman ira en préfecture pour se faire régulariser et donc après peut rentrer dans un processus d'intégration et d'insertion sur le territoire national, sachant que son enfant est protégé. Alors, il y a également un accompagnement qui est fait par des équipes médicales et paramédicales, comment ça se passe ? Alors oui, on a cette chance-là aussi, c'est-à-dire que cette dame, elle peut nous évoquer par exemple qu'elle a des douleurs lors des rapports sexuels avec son conjoint. Donc là, on a, nous, la chance de pouvoir l'orienter aujourd'hui sur des unités de soins en femmes excisées. Il y en a plusieurs en région parisienne. On en a aussi établi en province, un petit peu partout. Alors bien sûr, pas partout, Mais dans les grandes villes de France, que ce soit Lyon, Marseille, même à Reims ou à Lille ou à Havre ou à Rouen, on a des équipes aujourd'hui qui proposent cet accompagnement, et c'est soit en femmes excisées, et donc c'est une... pour celles qui souffrent vraiment au quotidien, ou même celles qui ne souffrent pas, mais qui souhaitent réacquérir leur intégrité physique, c'est une depuis une quinzaine d'années, grâce aux travaux notamment du docteur Pierre Feldès, ça nous a ouvert des perspectives que nous n'avions pas précédemment. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre magazine de la santé. Et comme vous le constatez, eh bien, il existe beaucoup de problématiques dans la santé, et cette problématique, c'est quelque chose quand même qui est très important. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Je pense qu'il est important d'avoir une prise de conscience dans ces pays, par ces personnes, dans notre environnement aussi, que ce sont des pratiques quand même assez barbares. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine de la santé Libre-Échange. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de votre santé, prendra soin de vous. À très bientôt. Libre-Échange, Sylvain Blondin.